La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, philosophie politique et cause animale. Si j'en crois les bons dictionnaires, la philosophie politique se définit comme une partie de la philosophie qui étudie les questions relatives au pouvoir politique, à l'État, au gouvernement, à la loi, à la politique, à la paix, à la justice, au bien commun, entre autres choses. Elle est considérée comme l'une des branches de la philosophie pratique, à côté de la philosophie du droit et de la philosophie morale. Elle est fondée sur la recherche d'un universel, guidée par la question du juste, du meilleur et du légitime. La cause animale, a priori, cela n'a rien à voir, c'est même tout à fait autre chose que la philosophie politique. Partant du principe que derrière les plumes ou la fourrure, il y a non pas quelque chose mais quelqu'un, elle vise d'abord à lutter contre la maltraitance des animaux. Mais s'agit-il seulement de cela ? Les animaux ne sont certes pas des citoyens, puisqu'ils ne se pensent pas eux-mêmes comme faisant partie de notre communauté politique, ni n'ont les idées très claires à propos de ce que nous appelons l'intérêt général. Mais constater cela est suffisant pour nier qu'ils soient des sujets politiques, ayant des intérêts qui doivent être défendus. En d'autres termes, y a-t-il lieu ou non de politiser la cause animale, de la faire entrer dans l'escarcelle de la philosophie politique ? Et si oui, comment procéder ? Pour discuter ces questions, j'ai invité Corinne Pelluchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée et vous venez de faire paraître un livre intitulé « Manifeste animaliste, politiser la cause animale » qui répond donc directement à la question que je viens de poser. Et avant de parler de cette cause animale que vous défendez, je voudrais que nous revenions sur votre parcours philosophique. Vous avez commencé par faire une thèse sur Léo Strauss. Qui est-ce et pourquoi lui ? Alors, Léo Strauss est un philosophe juif allemand, immigré en 38 aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé en tant qu'historien de la philosophie sur des textes fondateurs de la pensée politique, Hobbes, Spinoza, et aussi beaucoup sur le judaïsme. Hermann Cohen, c'était un héritier de Hermann Cohen. Et il a beaucoup écrit sur Maïmonide. Et moi, j'ai fait ma thèse en 2003 sur la critique des Lumières modernes par Léo Strauss. Mais ce qui me rattache encore à Léo Strauss, c'est sa définition de la philosophie politique. Une définition. C'est celle que j'ai donnée ou c'est une autre ? Alors, on pourrait la compléter. Parce qu'il y a quelque chose de substantiel dans la philosophie politique chez Strauss, mais aussi d'ailleurs chez Hannah Arendt. C'est-à-dire que la philosophie politique ne se borne pas à une étude sur le pouvoir, l'art de conquérir le pouvoir, sur la question de savoir qui aura le pouvoir, sur les formes de gouvernement, même sur les questions de l'État, pensées comme administration. Il s'agit d'une interrogation qui articule la pensée politique à une réflexion philosophique sur le bien-vivre, sur l'humain. Alors, chez Strauss, il parlera de nature humaine, Hannah Arendt parlera de conditions humaines, moi aussi je parlerai de conditions humaines plus que de nature humaine, pour éviter un retour à l'essentialisme, mais vous voyez que ça tient tout cela sur deux choses, le fait qu'il y a une différence entre la politique et le politique. La politique, c'est donc l'art de conquérir et de conserver le pouvoir, cette interrogation donc un petit peu qui recouvre les questions que vous avez dites. Et le politique, bien, c'est nous tous, c'est non seulement la dimension collective de notre existence, mais c'est aussi la création d'un espace public où peut émerger le bien commun, où on va se demander dans quelle société on veut vivre. D'un contrat social. Alors ça peut prendre la forme d'un contrat social, mais pas forcément, et peut-être qu'avant même le contrat social, qui est un geste artificiel pour instituer le bien commun, parce que ça ne va pas de soi, il y a cette réflexion sur la vie bonne, on peut le dire comme ça, hein. Donc il y a cela. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, pourquoi Léo Strauss a été vraiment une inspiration majeure, même si je ne conserve pas toutes ces solutions, c'est parce qu'il est conscient de la fragilité, de la démocratie et de la nécessité pour préserver ces institutions que jamais il ne remet en question, hein, pour de la nécessité pour préserver ces institutions d'une éducation et de vertu que la démocratie de masse elle-même ne suffit pas à promouvoir. Et donc, alors Léo Strauss cherchera dans l'éducation libérale, dans le retour aux pensées penseurs classiques, de quoi justement trouver des ressorts intellectuels afin d'équiper justement les individus. Mais voyez qu'il y a cela, cette idée aussi que le libéralisme politique fondé sur la souveraineté du sujet, eh bien, n'est peut-être pas à même de répondre aux défis du politique, de sa fragilité, et aussi, pour moi en tout cas, aux défis écologiques et de notre temps, parce que le credo du libéralisme, c'est, eh bien, il n'y a d'interdiction que lorsqu'on crée un dommage à autrui. Or, on peut tout à fait éroder les dispositions qui soutiennent nos institutions et donc fragiliser de l'intérieur la démocratie. On peut aussi créer des dommages aux écosystèmes et à la nature, pour mes propres questions. Et donc, comment compléter le libéralisme politique? Et je finirai par ça. Vous voyez, Léo Strauss, c'est vraiment pour moi une inspiration. C'est que lui, forcément, il a critiqué, il a examiné les principes, les préjugés même qui gouvernent la pensée politique, notamment cette fondation des droits subjectifs, des droits de l'homme sur justement l'individu. Penser comme liberté, comme faculté de faire des choix et d'en changer. Et lui, justement, il pense que c'est une définition trop courte et que, bien sûr, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, il s'agit toujours de préserver, de renforcer les droits subjectifs. Mais pour préserver, justement, le politique, eh bien, peut-être que l'individu défini seulement comme liberté, voire comme liberté négative, bien ne suffit pas. Donc il y a tout ce travail et chez lui, il ira chercher chez les anciens, mais moi, si vous voulez, et je finirai par ça, j'essaie de trouver, non pas dans la distinction, dans la tension entre Athènes et Jérusalem, c'est-à-dire dans les traditions, mais dans la phénoménologie, et là, c'est beaucoup plus proche de Hannah Arendt, dans une description des structures de l'existence ou de l'existant pris dans la matérialité de son existence, chez moi comme vulnérabilité, mais aussi définie en fonction des conditions matérielles de son existence, hein, quand il mange, etc., ou quand il est né, ou ça fait entrer l'intersubjectivité au cœur du sujet, eh bien, en décrivant l'existant ainsi, on peut rafraîchir un petit peu le sens de la condition humaine, faire surgir un sujet qui n'est pas atomiste, qui n'est pas seulement individu, qui se caractérise par justement le fait que sa vie est débordée par celle des autres, qu'il a toujours un impact sur les autres humains et les animaux, et c'est vraiment là, on voit que la responsabilité, l'intersubjectivité et sont intégrées au cœur du sujet. Et les conséquences politiques de cela, de cette assise du politique sur un sujet qui n'est plus l'individu de Hobbes, et bien seulement comme liberté, bien c'est que l'écologie, la prise en compte des intérêts des animaux et une éducation plus substantielle pour équiper les individus à résister aux solutions totalitaires, et bien deviennent des finalités du politique qui donc enrichit. Voyez, donc c'est vrai que Léo Strauss, son nom est attaché à une critique du mode de la pensée moderne. Moi, j'ai souligné la dimension des lumières modernes. Mais c'est quand même quelqu'un qui a travaillé longtemps sur Spinoza en voyant ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu avec le rationalisme de Spinoza, qui a travaillé beaucoup sur Hobbes. Hein, j'ai traduit des textes allemands du jeune juif allemand qui était Léo Strauss, des textes comme La critique de la religion chez Hobbes et Cohen et Maïmonide. Donc c'est un auteur qui connaît très très bien ces moments-là de la pensée qui sont tout à fait fondateurs. Et il essaie de voir aussi ce qui, dans la pensée contemporaine, a parfois gommé la complexité de la pensée des premiers, des héros des Lumières modernes. Alors j'ai trouvé cette phrase chez Léo Strauss et je voulais avoir votre commentaire dessus. Il dit « Un penseur politique qui ne serait pas un philosophe s'intéresserait ou s'attacherait avant tout à un ordre ou à une législation politique spécifique. Le philosophe politique, lui, s'intéresse et s'attache avant tout à la vérité. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous définiriez comme une philosophe politique? Moi, je suis philosophe politique au sens un peu strossien, donc enfin même carrément strossien du terme, pas dans ses solutions, mais dans ce geste-là d'une profondeur de la philosophie politique, hein, attachée donc à une réflexion. Il y a une autre phrase, si vous voulez, qui consonne avec celle que vous avez prononcée, c'est « on ne peut pas régler les problèmes politiques seulement par des moyens politiques », dit-il. Alors, chez lui, on voit que ça dessine un petit peu l'idée d'un rapport entre l'ontologie et le politique. Je ne pense pas que Léo Strauss trouvera les réponses aux questions qu'il pose. Mais le diagnostic est peut-être plus fort que ses réponses. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée d'articuler la pensée politique à une réflexion sur l'homme, etc. Et en échappant au naturalisme, et parce que le défi, c'est que nous ne sommes plus dans le monde d'Aristote où il y a une cosmologie, où les choses, dans le ciel des idées, eh bien, on a le bien et le mal. Mais enfin, vous voyez, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a l'idée que la plupart des catégories que nous utilisons, droit subjectif, la primauté du juste sur le bien, le fait que la justice serait d'abord une question de procédure, eh bien, ce geste-là nous invite à voir que ce sont des catégories qui, loin d'être naturelles, sont historiques, ont une histoire et peuvent peut-être être repensées à l'occasion de certains défis. Donc c'est un geste qui donne plus de liberté qu'on ne peut le croire. Et dans la phrase que vous avez citée, je crois qu'on ne peut pas ne pas penser à Platon. Il y a cette réflexion, parce que Strauss est un grand lecteur et commentateur de Platon, le livre 8 de la République, où il y a ce lien entre le type de régime politique et le type d'individu. Le type d'individu qui n'est pas défini seulement par des caractères psychologiques, mais par les biens qu'il honore, ou l'argent, ou la vérité, ou la justice. Et il y a ce grand texte qui est, moi, le texte que je préfère en toute la philosophie politique, si je puis dire. C'est le texte des lois de Platon, le livre 5, « Quand on passe du souci de soi au fait d'honorer son âme ». Et Platon dit, on ne peut honorer son âme que quand on honore la justice et la vérité, parce que, eh bien, il y en a pour tout le monde. Et à partir de là, d'une certaine manière, en termes modernes, on dirait, on s'efface derrière une cause. Et il n'y a plus cette idée des passions tristes, du ressentiment, du fait de vouloir toujours conquérir, manipuler les autres. Et c'est vraiment très intéressant, ça. Ça, je pense que c'est vraiment cette réflexion sur le type d'homme. Et en fait, souvent, en philosophie politique, on s'en tient aux institutions, aux procédures. Et vraiment là, il y a une réflexion sur le fait que les individus, les biens qu'ils honorent, finalement, expliquent que un régime politique soit tel ou tel. Alors, on a bien compris que Léo Strauss, c'est le point de départ, mais je ne crois pas qu'il parle beaucoup de la cause animale. Certes non. Qui est devenu votre sujet. Donc comment est-ce que la transition s'est opérée pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez en partie basculé vers ce problème? Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute le premier morceau de musique que vous avez choisi, Corinne Pelluchon. Vous aimez les Strauss, hein? J'aime les Strauss, effectivement. C'est un morceau de Richard Strauss, Don Quichotte. De Don Quichotte par Richard Strauss, morceau choisi par vous-même, Corinne Pelluchon. Des arguments ? Le titre peut-être, Don Quichotte. Don Quichotte, oui, peut-être que j'ai quelque chose de Don Quichotte, moi aussi. Mais il y a, vous voyez, moi je trouve qu'il y a chez Richard Strauss, voilà, il a saisi, je trouve, le génie de Cervantes. Et il y a dans ce violoncelle qui dit à la fois l'humanité, le caractère extravagant de Don Quichotte, qui donc voit des choses qui n'existent pas, mais dans un monde peut-être encore plus fou que lui. Donc voilà, il y a ça, c'est à la fois surprenant et universel, et c'est ça que j'aime bien. Bon, ça c'était pour Richard Strauss. On va revenir un instant à Léo Strauss. Donc on en était à dire que il avait évidemment instauré cette philosophie politique que vous avez vous-même complétée, en tout cas qui vous a d'abord inspiré. Mais la cause animale dans tout ça, comment est-ce qu'elle émerge dans votre réflexion intellectuelle? Alors il y a deux choses. Dans le parcours intellectuel, moi dès Strauss, je me suis intéressée aux problèmes liés aux technologies et aux biotechnologies. Parce que justement, pour les apprécier, il faut sortir des catégories classiques du libéralisme dont je parlais tout à l'heure. On ne s'inquiète des choses que lorsque ça crée un dommage à autrui. On en reste au problème du consentement, puisque là, avec les technologies, c'est beaucoup plus complexe au niveau de l'impact, de leur impact. Bon, je travaillais un petit peu sur des problèmes liés aux pratiques médicales, mais aussi à tout ce qui concerne les thérapies géniques, etc. Bon, et donc la question est de savoir quelle pensée pouvait à la fois répondre à ces questions-là au niveau des législations, mais sans asseoir la décision sur une vision moralisatrice. Et au cœur de ce travail, je me suis tournée vers les activités que nous avons à l'égard des vivants et l'élevage intensif, tout cela. Et cela coïncidait avec, dans ma propre vie, on était en 2004 là, avec le choix d'un régime végétarien, au départ seulement végétarien, pour diminuer mon impact sur justement les animaux. Donc j'ai renoncé à la viande, au poisson au départ. Maintenant je renonce à tout produit animalier quasiment. Voilà. Mais le choc, ça a été en fait à mon retour des États-Unis où j'ai lu, c'est vrai, là-bas l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais une grande partie des textes relatifs à l'éthique animale. Peter Singer, Tom Regan et d'autres. Il y en a plein d'autres. Bon. Mais ça suffisait pas à me... J'étais déjà végétarienne, j'étais déjà concernée par cette question, mais d'une certaine manière, le changement qui fait que je me suis trouvée dans une situation où je suis devenue presque l'otage de cette question, c'est à mon retour des États-Unis où j'ai pris le temps. Peut-être parce que j'avais une sorte de vide, de vacances. J'ai pris le temps de regarder tout ce qu'on faisait avec des vidéos. À l'époque, c'était les vidéos de la Fondation Bardot. Et dans le foie gras, dans l'élevage industriel, où il y a énormément de mutilations des animaux, etc. etc. Et j'ai éprouvé moi-même une honte. Et vraiment, tout s'est écroulé. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas un pan de ma vie personnelle, intellectuelle, qui n'ait été complètement reconfiguré par ça. Parce que quand on prend la mesure de l'intensité des souffrances infligées aux animaux, par l'industrie de la fourrure, etc., mais même aussi la captivité des animaux sauvages dont on ne parle pas assez. Et quand on appréhende, parce que à peine appréhendable, en tout cas quand on pense le nombre d'animaux impliqués et sacrifiés, eh bien, il y a vraiment le sentiment de vivre dans un monde aberrant et c'est comme un cauchemar. Et je crois qu'on ne revient pas de ce cauchemar. La question est de savoir ce qu'on en fait. Et moi, ça correspondait, c'est peut-être pour ça que ce que je savais, je suis devenue... Je le savais, ce qui se passait, je ne mangeais déjà plus de viande, mais j'ai été là concernée profondément, transformée. C'est ça la responsabilité, ce passage de quelque chose qui reste encore intellectuel, même si on change ses styles de vie, et qui devient quelque chose qui vous prend complètement et qui vous saisit profondément. Eh bien, là, et je travaillais aussi, c'est pas sans hasard, sur, à l'époque, donc, je revenais des États-Unis, j'ai fait tout un tas de visites auprès de malades en fin de vie, auprès de malades ayant des polyhandicaps, auprès de malades souffrant de maladie d'Alzheimer, donc de personnes qui, justement, n'ont plus ce qu'on appelle d'ordinaire l'identité narrative, les facultés cognitives. Donc j'étais au plus près de la vulnérabilité des êtres humains, moi-même, sans doute à cette période qui, puisque j'avais aussi beaucoup de regrets des États-Unis, j'avais pas encore un poste en fac, j'étais dans cette vacance-là qui rend plus sensible encore à cela, et je cherchais une philosophie, une pensée qui puisse redécrire l'humain, l'humanité de l'humain, et je l'ai trouvé dans ce qui est devenu l'éthique de la vulnérabilité, dont la première occurrence est dans le livre L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, où vraiment il y a cette recherche d'une pensée de l'humain à même sa corporéité prise dans sa face la plus fragile, donc l'altération du corps, l'altération du psychisme, et qui renvoie à notre responsabilité. Et dans cela, j'ai trouvé évidemment les animaux. Je ne vois pas comment on peut exclure les animaux avec lesquels nous avons en commun. Alors j'ai retrouvé d'ailleurs une chronique que vous avez écrite il y a quelques années, au moment où on parlait beaucoup de la ferme des 1000 vaches. Oui. Qui est installée dans la Somme. Oui. C'est une sorte de ferme-usine qui contient des bêtes qui ne verront jamais un brin d'herbe. Oui. Et sont considérées non pas comme des vaches laitières, mais comme des machines à produire du lait. Et vous aviez écrit une chronique dans laquelle il y a cet extrait. D'un côté, nous baignons dans une atmosphère réactionnaire marquée par une moralisation extrême de la vie sociale et politique, qui génère et encourage l'intolérance et le refus de l'autre. De l'autre côté, nous transgressons les principes cardinaux de l'éthique, détournant le sens des activités, laissant la loi du profit régner en maître au mépris des êtres humains et non humains. Donc là, il y a une première connexion entre la philosophie politique et la cause animale. Ouais. Alors ça, c'est tout à fait exactement. Et dès le début, moi, j'ai beaucoup lu donc l'éthique animale, hein, Peter Singer et autres, et j'ai beaucoup aimé. Mais je me suis tout de suite démarquée de cette approche qu'on pourrait résumer ainsi. Il s'interroge sur le statut moral, voire juridique, pour Tom Regan, des animaux. Et à partir de là, dénonce, avec des arguments très forts, les pratiques où ils sont, où leurs intérêts sont niés. Moi, j'ai plutôt utilisé les rapports aux animaux comme un coup de projecteur sur l'injustice de notre justice, c'est-à-dire sur le fait que nous nous octroyons une souveraineté absolue sur des êtres dont pourtant les normes éthologiques et l'individuation limitent notre droit d'agir comme bon nous semble envers eux. Et aussi, c'est donc une question de justice et pas seulement d'éthique, puisque ça interroge les limites que nous ne reconnaissons pas dans nos usages des animaux, dans la manière dont nous les détenons. Et aussi, c'est un coup de projecteur sur l'organisation du travail. Et ça, c'est assez clair dans l'élevage industriel, où le sens de l'élevage est détourné, hein, c'est plutôt de l'industrie, et la valeur des êtres humains et non humains impliqués par un système qui finalement broie tout le monde, puisqu'il commande la réduction constante des coûts de revient pour le plus de profit, et donc c'est absolument incompatible avec ce qu'on appelle le bien-être animal, et puis les humains doivent toujours s'adapter aux cadences. Donc on force les animaux à s'adapter à des conditions industrielles, et ça c'est vraiment donc à la fois l'organisation du travail, qui est pour moi un problème politique majeur, puisqu'on confond les sphères de bien et on détourne les activités de leur sens, et en plus on pousse les êtres qui font ce travail à se cliver, à s'insensibiliser pour supporter ces conditions-là. Et ensuite, cette idée des limites, que vous voyez, la justice, c'est pas seulement la question des droits qu'on va conférer aux animaux, même si elle est fondamentale, c'est aussi les limites que nous devons reconnaître dans nos usages des ressources, ou plutôt ce que j'appellerai plus tard des nourritures, et dans nos rapports aux animaux. Donc là, c'était, et moi je me situais sur la phase constructive de la déconstruction, parce qu'après Jacques Derrida, qui a fait ce magnifique texte publié après sa mort, L'animal que donc je suis, en disant qu'on a souvent vu les animaux parce qu'ils n'avaient pas, de manière privative, etc. Moi, au lieu de dire, voilà, de donner des bons points ou des mauvais points aux philosophes qui avaient pensé ou pas les animaux, eh bien j'essayais de voir ce que serait un État qui prendrait au sérieux le fait que les animaux comptent et qui prendrait au sérieux le fait que, justement, considérer les intérêts des animaux dans nos politiques publiques, c'est un plus. C'est mieux, c'est promouvoir aussi une société différente et plus juste. Alors donc, c'est l'objet de votre manifeste, mais avant de parler du manifeste, je voulais vous faire réagir à un certain nombre de citations que j'ai trouvées ici ou là. Notamment, vous parliez de Hobbes tout à l'heure, et Hobbes faisait remarquer qu'il y a à la surface de la Terre une entremangerie universelle, comme il disait, c'est-à-dire que presque tous les mangeurs sont des mangés. Et quand on part de ce constat, comment est-ce qu'on justifie le fait de ne pas manger de viande, sachant que beaucoup d'animaux mangent des animaux ? Oui, bien sûr, la prédation, moi qui vis avec un chat, je sais à quel point ces animaux d'ailleurs ont du mal à être vegan, hein, puisqu'ils ont besoin de taurine et on n'a pas encore des croquettes, il y en a qui existent pour les chats, mais moi la chatte que j'ai ne supporte pas ces croquettes-là. Hein. Donc c'est, vous voyez, c'est un dilemme, les chats sont des dilemmes philosophiques. Hein. Mais en tout cas, la question du végétarisme est une ancienne question, hein, qui a été posée. Bon, je vais prendre l'exemple de Plutarque, hein, parce que les auditeurs peuvent peut-être se rapporter à ce magnifique texte, ces trois textes qu'on trouve chez POL, un traité des animaux, où il dit n'est ni naturel ni nécessaire de manger de la viande, et quand on a en abondance des céréales et des fruits, eh bien, alors on peut, il est plus moral de se passer de la viande, car elle provient d'un animal qui voulait vivre et qu'on a tué pour cela, et en plus on masque dans la viande la provenance animale, puisqu'on a besoin de la rôtir, etc. Bon, alors il y a ça, ce végétarisme antique qui nous pose la question indécidable et que chacun, à laquelle chacun répond comme il peut, la question de savoir qui suis-je pour faire couler le sang des bêtes pour me nourrir quand je peux faire autrement. Hein, bien sûr, il y a eu des périodes de la vie. C'est une question que ne se posent pas les animaux. Non, mais oui, mais eux, bon, ils n'ont pas, ils sont pas tous omnivores. Hein, ils sont, certains sont herbivores, certains peuvent. Mais le chat, par exemple, c'est un prédateur, le fauve aussi, donc c'est différent. Et comme dirait Montaigne, citant plus tard, que j'ai jamais vu un humain prendre un lièvre et tout ça et le déchirer de ses dents, hein. Donc c'est pas, on est, la prédation c'est un acte où l'animal tue et souvent il fait beaucoup d'efforts pour tuer cet animal, hein, alors que nous, eh bien, nous les produisons. Mais moi je dirais vraiment quelque chose, et c'est important de le dire pour ceux qui nous écoutent et celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément comme moi, la question n'est pas d'imposer un modèle de vie. C'est que il y a quand même une rupture entre ce qui se passait avant 250 ans et aujourd'hui, et même depuis 60 ans, avec l'intensification de l'élevage intensif, la généralisation de l'élevage intensif, avec le fait aussi que nous sommes 7,5 milliards sur Terre. Moi, quand je suis née, nous étions environ entre 3,1 et 3,5 milliards, 7 milliards. Donc, si tout le monde mange de la viande tous les jours à 7,5 milliards, eh bien, la réponse à cette demande de produits animaliers ne peut être que l'intensification de l'élevage intensif, et puis surtout, c'est écologiquement impossible. Donc, c'est quand même un problème là. Vous voyez, je crois vraiment que l'échelle, l'industrialisation, la démographie, et le fait aussi que nous pouvons nous nourrir autrement. Et au passage, d'ailleurs, on ne pouvait pas être vegan avant 1947-48, puisque il a fallu synthétiser la vitamine B12, hein, pour supplémenter les gens qui s'abstiennent de tout produit animalier. Hein. Mais vraiment, là, je crois qu'il y a vraiment une différence entre cette question indécidable, qui suis-je pour faire couler le sang des bêtes pour me nourrir, bon, voilà cette idée, et ce qui se passe aujourd'hui, les conditions industrielles d'élevage et d'abattage, et le poids démographique, plus la crise écologique. Et ça, je crois que ça devrait conduire au moins à la réduction par chacun de sa consommation de produits animaliers, et pour certains, ça les conduit à un végétarisme ou un végétalisme militant, et qui a donc des justifications englobant, certes, évidemment, la question animale, mais aussi des questions de justice sociale, justice environnementale et de modèles soutenables. Et puis quand on veut, ce qui est mon cas, penser une transition vers un monde, vers un modèle de développement différent, qui ne passera pas par un retour en arrière, mais au contraire par beaucoup d'innovations sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan des alternatives à l'expérimentation animale. On ne dit jamais assez à quel point nous aurions tout à gagner et à quel point l'Europe, par exemple, dans la directive du 22 septembre 2010, eh bien l'Europe, dans cette directive, reconnaît que l'expérimentation animale, par exemple, qui sacrifie environ 2 millions d'animaux par an en France, et c'est le chiffre bas, eh bien elle n'est pas légitime moralement, même si certains considèrent qu'elle est encore utile. Et surtout, la règle des 3 R, réduire, raffiner, remplacer par des modèles non animaux, eh bien devient contraignante juridiquement, devrait être le critère conduisant à accorder la licéité à une expérimentation, à mettre une évaluation positive autorisant ou non une expérimentation. Ce qui veut dire que, et il y a des alternatives, elles ne sont pas assez développées, arriver, mais déjà l'Europe nous met sur la trajectoire pour arriver un jour à remplacer l'expérimentation animale par des modèles fiables, pas seulement informatiques, issus de déchets chirurgicaux, animaux, humains, mais aussi avec des modèles assez complexes où on voit pas seulement la réaction de la cellule aux molécules, mais de tous les organes. Enfin, il y a des start-up, je crois, dans la banlieue de Genève qui développent ça. Donc, il y a, voyez, l'innovation peut être aussi un volet de cette transformation, de cette transition vers un modèle où on intègre davantage les intérêts des animaux dans nos vies. Et ça, ça va pas, c'est pas un retour en arrière et c'est pas non plus opposer les véganes aux autres. Pour moi, la question animale et l'animalisme n'est pas essentiellement l'apologie du mode de vie végane. C'est vraiment la promotion d'un autre modèle de développement. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une convergence entre l'éthique animale et l'éthique environnementale. Sous Ennis, Callicott, qui se réclame d'Aldo Léopold, qui était un chasseur dans l'almanach d'un comté des sables, eh bien, il y avait une divergence, c'est-à-dire que les éthiciens environnementalistes pensaient la biodiversité, mais pas l'animal comme subjectivité. Aujourd'hui, il y a une convergence parce que d'abord la crise environnementale n'est pas un fantasme, c'est pas Don Quichotte, c'est une réalité qui devient de plus en plus. Et même le mot crise environnementale est trop court puisque si on prend au sérieux le mot anthropocène, ça veut dire qu'il y a un basculement du système Terre lié au poids démographique et que nos activités, qu'on va atteindre des points de non-retour. Et la réduction des produits, de notre consommation de produits animaliers peut être un premier poste pour justement réduire une empreinte écologique. Donc il y a vraiment une convergence. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. À propos de l'expérimentation animale que vous venez d'évoquer, Corinne Pelluchon, je voulais vous citer un extrait de l'éditorial de la revue Nature en 2008, oui. Nature Médecine, qui à mon avis, je devine qu'il va vous faire hurler, qui dit ceci. Plusieurs arguments éthiques concernant l'utilisation de primates non humains repose sur leur étroite ressemblance avec les hommes davantage que toute autre espèce. Cette ligne de raisonnement toutefois pose problème. Par exemple, plusieurs de ces arguments impliquent des concepts tels que la personnalité, la conscience de soi et la sociabilité dont la définition appliquée à des primates non humains demeure disputée par les savants qui travaillent sur le sujet. Il serait par conséquent prématuré de tirer des conclusions définitives au sujet de notre responsabilité éthique envers les primates non humains sur la base de notre compréhension actuelle du problème. Fin de citation. Oui, alors ça, je dirais que ce débat-là est déjà dépassé. C'est 2008. Oui, mais tout à fait. Il y a eu d'énormes progrès. De même qu'est dépassé cette espèce, le fait, par exemple, de condamner l'expérimentation animale en s'en tenant seulement à l'antispécisme, en disant, voilà, c'est parce que c'est des animaux, on accepte de faire de l'expérimentation, mais c'est pas juste. Bon, évidemment, je partage l'antispécisme, mais je crois qu'on a dépassé cela. Et quand je citais la directive européenne du 22 septembre 2010, c'est qu'on voit bien là qu'on met devant nos yeux ce qui est une aporie. Et moi, je crois que la réflexion philosophique, c'est le courage de regarder en face les questions sans solution, ou en tout cas immédiate ou totale. C'est l'aporie et le dilemme lié à l'expérimentation animale. C'est que justement, pour pouvoir tirer des généralisations à partir d'observations fiables, robustes, il faut que les animaux soient ressemblant aux humains, pour qu'on puisse tester des psychotropes, etc. Et en même temps, justement, il faut pas qu'ils soient trop proches, parce que sinon, on n'oserait pas faire des expérimentations comme cela. Mais ce dilemme-là, qui souligne le caractère problématique, moralement, d'expérimentation animale, eh bien, n'implique pas forcément de tout abolir tout de suite. Mais c'est pas, vous voyez, le critère. Moi, je pense que c'est pas la souris. Sa vie est aussi importante pour elle que la vie du chimpanzé l'est pour le chimpanzé. Donc, je dirais que c'est pas, faut pas réinstaller une sorte de hiérarchie en parlant d'animaux qui seraient plus comme nous, qui auraient plus la personnalité, puis d'autres qui seraient méprisés. Il y a vraiment quelque chose de plus intéressant à faire, de plus pragmatique. C'est un jour, sans doute, nous pourrons remplacer l'expérimentation animale par des modèles fiables, utiles, oui, en plus, qui seront vraiment parfois plus intéressants parce que le transfert des résultats sur les animaux aux humains, ça marche pas toujours. Et un jour, nous pourrons le faire, mais déjà, nous pouvons beaucoup le faire et nous ne le faisons pas. Alors, ce qu'il faudrait, c'est encourager le remplacement dès que c'est possible. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs qui continuent à faire d'expérimentation animale, et moi, il y avait un colloque à Maison Alfort en décembre où j'étais, c'est ce que je leur ai dit, au moins, sachant cela, que l'expérimentation animale ne va pas de soi, mais que eh bien, quand ils continuent d'en faire, c'est au moins de savoir pourquoi ils en font et d'éviter des expérimentations qui ont déjà été faites, puisqu'on sait bien que dans la recherche, il y a beaucoup de répétitions et qu'il y a des expériences qui sont pas très utiles. Par exemple, pousser, faire des expériences de privation de l'enfant privé de sa mère, ce que ça donne, etc. Donc là, vous voyez, l'éthique, elle est déplacée. C'est plus parce qu'il est plus comme nous, on doit pas l'enrôler dans l'expérimentation, mais la souris, elle en pourrait. C'est l'idée, si vous en faites, sachant que c'est problématique moralement, eh bien, de moins de tout faire pour minimiser, en faire le moins possible, et un jour viendra. La directive, il y a quand même la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'animal dans cette directive européenne qui, hélas, a été imparfaitement traduite dans le décret du 1er février 2013 qui maintient un statu quo, disant qu'on peut faire une synthèse improbable entre bien-être animal ou, voilà, avec des normes un peu plates du bien-être animal et l'expérimentation animale. Là, il y a vraiment, dans la directive, que j'invite vraiment chacun à la lire parce que c'est un grand texte très prometteur et qui nous vont au-delà de tous ces débats caricaturaux. Journal officiel, directive du 22 septembre 2010 sur l'expérimentation animale. Il y a plein d'articles qui, en plus, prennent la mesure du fait que l'opinion publique dans les pays européens, notamment dans certains pays membres de l'Union européenne, l'opinion publique est très intéressée par le sort des animaux et donc que le législateur doit en tenir compte. J'ai trouvé une deuxième citation, Corinne Péduchon, qui devrait davantage rencontrer votre agrément. Elle est extraite d'un livre de Gilbert Simondon, connu comme étant un philosophe de la technique, mais qui a écrit un ouvrage intitulé « Deux leçons sur l'animal et l'homme ». Il écrit ceci. Les anciens cherchaient à dire que ce qui est vrai de l'homme était vrai en quelque mesure de l'animal. Ensuite, Descartes est venu dire ce qui est vrai de l'homme n'est vrai en aucune mesure de l'animal. Enfin, les thèses contemporaines consistent à dire ce que nous découvrons au niveau de la vie instinctive, de la maturation, du développement comportemental dans la réalité animale, cela permet de penser aussi, en une certaine mesure, la réalité humaine. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse le plus dans la question des animaux, avec le pluriel et des humains, c'est l'idée de l'hétérogénéité, de l'altérité. Hein, une altérité si grande que, bien souvent, nous ne comprenons pas bien les animaux. Et certains, les insectes, nous avons une communication très limitée avec eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient rien. Mais c'est l'idée de démultiplier les accès au réel. Et c'est vraiment ce que fait Montaigne dans l'Apologie de Raymond Sebond. Hein, quand il parle du renard, on dit on appelle instinct ce qui n'est pas l'intelligence humaine. Mais le renard, c'est plus que de l'instinct. Il y a une induction quand il traverse un lac gelé, eh bien, il sait si ça bouge un petit peu dessous, c'est que la glace n'est pas, elle est friable, donc on peut tomber. Sinon, non. Enfin, il y a ce passage magnifique. Puis bon, quand je joue avec mon chat, est-ce que c'est pas elle qui se joue de moi? Donc l'idée, voilà, d'une altérité très grande, d'une hétérogénéité des accès au réel. Voilà. Mais je pense que pour revenir, moi, je ne suis pas éthologue, malgré l'admiration que j'ai pour l'éthologie et les éthologues. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons de grands éthologues et de bons éthologues que les choses changent pour les animaux, parce que les moteurs de l'histoire, hélas, ce ne sont pas les arguments, sinon depuis 45 ans... L'éthologie est une science, et vous pensez que la science ne devait pas changer les mentalités ? La science donne beaucoup d'arguments pour... pour accentuer des choses, et elle est souvent invoquée. Mais les moteurs de l'histoire, c'est les intérêts, les affects, je crois. Parce que après 45 ans d'éthique animale, de très grands penseurs, des outils juridiques qui ont été affinés, des recherches en éthologie de Puexcul que je citais avec sa fameuse tique, monde animaux et monde humain, mais jusqu'à aujourd'hui où il y a une découverte de la complexité, de la richesse des vies animales, des existences animales. Franchement, il n'y a plus beaucoup de gens qui pensent que l'animal est une machine, et pourtant dans les fermes usines, les vaches sont considérées comme des vaches à lait. Donc quel est le moteur de l'histoire ? Eh bien, je crois que ce sont un ensemble complexe de représentations où les sciences apportent évidemment des choses et des émotions. Et ce que je disais tout à l'heure, quand moi je savais, j'étais déjà végétarienne, et il a fallu un moment particulier pour que ce savoir devienne un savoir qui me transforme totalement et qui devienne un engagement inscrit, qui rencontrait déjà des catégories philosophiques travail philosophique politique, un travail sur la vulnérabilité, mais qui a correspondu aussi à un changement dans ma perception du quotidien, hein, dans ma Vous allez nous raconter tout ça, Corinne Pelluchon, mais le moment est venu d'écouter le deuxième morceau de musique, le second. Liberame, extrait du Requiem de Fauré. Liberame, Requiem de Fauré. Alors, moi j'adore le Requiem Fauré, mais en particulier ce Requiem-là. Fauré n'était pas croyant. Et c'est un texte, enfin, c'est une écriture, une composition très simple, très subtile. Et là, le Liberame, avec, je crois que c'était Fischer Disco, hein, cette voix très forte, enfin, c'est vraiment. Moi, ça correspond à quelque chose que je ressens, c'est-à-dire que c'est à partir de la mort, qui n'est pas forcément le néant, là, c'est en tout cas la fin de ma vie n'est pas la fin du monde, ma mort n'est pas la fin du monde. Hein. Et l'idée de la mort, la conscience de sa finitude ouvre au sens de l'existence. Et moi, je pense que je fais partie des gens qui pensent souvent à la mort et qui ne voient pas ça comme justement la fin du monde, mais comme ouvrant à la vie. À la vie, mais pas la mienne, au monde commun, à celui qui m'accueille à ma naissance et survit à ma mort individuelle. On parlait Hannah Arendt. Et je trouve qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de gravité dans ce Liberame, donc je l'adore. Alors, dans votre manifeste animaliste, Politiser la cause animale, vous évoquez un poème que Rilke, le poète, a consacré à une panthère désespérée qu'il avait vue au Jardin des Plantes. Oui. Que raconte ce poème ? Der Panther. Le poème commence par donc sein Blick ist vom Vorübergehen so müde geworden. Son regard est tellement fatigué à parcourir les barreaux de la cage que derrière, voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Hein. Et pour elle, c'est comme s'il n'y avait aucun monde derrière tous ces barreaux, etc. Donc, et puis, il décrit la souplesse frustrée de cet animal magnifique qui tourne toujours en rond et derrière la pupille, hein, c'est cette métaphore de son regard, tout cesse d'exister. Enfin, voilà. Et c'est vraiment l'idée que, pour moi, la captivité des animaux sauvages, c'est une des mesures que je mettrais comme mesure phare, non négociable, une revendication, de justement supprimer la captivité des animaux sauvages, les fauves, mais pas seulement eux, parce que vraiment, d'abord, leur beauté leur est fatale. On les enferme à vie dans des cages, au mépris donc de tout ce dont ils ont besoin pour exister, avec l'idée que, voyez, on ne sait pas quoi faire de cette beauté de l'animal sauvage, à part la mettre dans une cage qui est très petite dans le cas du Jardin des Plantes, et c'est encore le cas. Maintenant, il y a un léopard, en tout cas, il y a 2 ans, il y avait un léopard des neiges dans cette même cage, qui ne vit pas très longtemps, tellement il est déprimé. Et du coup, je trouve que la captivité des animaux sauvages, eh bien, renvoie vraiment à notre incapacité à admirer les animaux pour ce qu'ils sont. Alors, on a besoin de nous approprier. Et là, vraiment, c'est quelque chose, vous voyez, ce geste de la domination qui me semble vraiment catastrophique. Et je crois que, alors que sur l'alimentation carnée, il est malheureusement encore difficile de convaincre tout le monde de s'abstenir de produits issus des animaux, sur la captivité des animaux sauvages, sur ce qu'on impose aussi aux animaux de cirque, puisque pour qu'un éléphant puisse s'asseoir sur un tabouret, il faut quand même l'avoir brisé psychiquement, et puis il est dans des conditions difficilement compatibles avec ses besoins de base, et avec sa subjectivité, son individuation. Et les delphinariums, qui sont ces dauphins, parfois ces orques qui sont condamnés à faire des tours en échange d'une nourriture donc de poissons morts et dans des piscines chlorées trop petites où on les condamne vraiment, on les frustre sans arrêt. Eh bien, je trouve que ça, quand on explique aux gens de quoi il s'agit, il est rare qu'ils restent insensibles et ils sont gagnés à l'idée que l'avenir immédiat, c'est quand même de libérer ces animaux et qu'il se passe quelque chose de compliqué, de problématique dans le fait de s'amuser à les voir comme ça, avoir une vie diminuée. Et il y a souvent une distorsion de la communication, notamment dans le cas des delphinariums où tout le monde a l'impression qu'ils sont heureux mais ils ne le sont pas. Et c'est pas. Mais évidemment, moi, ce que j'ajoute dans la stratégie que j'utilise dans ce manifeste animaliste, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de dire on en finit avec les cirques avec animaux et avec les delphinariums, il s'agit aussi de faire en sorte que dans un monde meilleur et plus juste envers les animaux, il y ait une place pour ceux qui aujourd'hui vivent encore de l'exploitation animale. Donc il ne pourra pas y avoir d'avancée substantielle de la cause animale sans également une aide financière pour la reconversion aujourd'hui des dresseurs, peut-être demain des éleveurs. En tout cas, on ne peut pas comme ça s'opposer seulement à ceux qui exploitent les animaux. Et moi, j'invite, et je crois que j'ai convaincu un certain nombre de militants, à changer leur stratégie afin que quand ils proposent la suppression de certaines pratiques, il y a un délai, il y a en tout cas un plan, ce soit raisonné, et que on travaille avec les acteurs en les aidant à se reconvertir. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est une partie importante de votre manifeste, mais avant, et pour faire suite à ce poème de Rilke sur la panthère désespérée du Jardin des Plantes, je voulais vous faire réagir, et je sais que ça va être violent parce que vous n'avez pas aimé ce texte. Mais c'est un extrait du Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer, dans lequel il dit ceci à propos des animaux. Jungun, alors je pense que c'est un explorateur ou un aventurier, Jungun raconte avoir aperçu à Java un terrain couvert d'ossements s'étendant à perte de vue qu'il prenait pour un champ de bataille. Il ne s'agissait en réalité que des squelettes de grandes tortues longue de 5 pieds, large et haute de 3, qui, en sortant de la mer, empruntent ce chemin pour déposer leurs œufs et sont alors assaillis par des chiens sauvages qui unissent leurs efforts pour les renverser sur le dos, arrachent la carapace intérieure et leurs petites écailles du ventre et les dévorent ainsi toutes vivantes. Mais souvent alors un tigre se précipite sur les chiens, cette désolation se renouvelle des milliers et des milliers de fois, année après année. C'est à cette fin que ces tortues sont nées. Pour quelle faute doivent-elles endurer un tel supplice? Pourquoi ces scènes d'épouvante? À cela, il n'y a qu'une seule réponse. Ainsi s'objective le vouloir vivre. Je ne déteste pas ce texte, qui est très beau. Mais la question, moi, les questions que je pose, c'est vraiment comment prendre en compte les intérêts des animaux dans nos politiques publiques, faire notre bien avec le moins de mal possible envers eux, qu'il s'agisse des animaux domestiques, des animaux sauvages, dont nous fragmentons ou détruisons l'habitat, ou des animaux liminaires, comme les renards, les écureuils, les pigeons, les rats, que nous souvent... Liminaires, ça veut dire périphériques. Oui, voilà, qui sont ni sauvages ni domestiques. Mais ils ont besoin de nous. Ben, ils s'installent surtout à proximité de nos jardins parce qu'ils y voient de quoi vivre, hein, des déchets dont ils se nourrissent. Mais souvent, on leur interdit tout droit d'exister. Enfin, c'est quand même un groupe assez hétérogène. Mais en tout cas, moi, je suis pour la prise en compte des intérêts des animaux. Et c'est les humains, évidemment, qui le font. C'est pourquoi il s'agit de politiser cette question. Mais... il y a vraiment, ça ne veut pas dire d'ailleurs que on arrivera à éliminer toute mise à mort provoquée. Hein. Moi, je reprends ce mot, ce texte qui vient de Hume, mais que Rawls utilise, les circonstances de la justice. Hein. Vous rappelez que la théorie de la justice de Rawls n'est applicable que dans les conditions d'une rareté modérée. Bon, ben moi, j'utilise cela à propos des animaux. Il s'agit de promouvoir des circonstances de la justice où nous ferons notre bien avec le moins de mal possible avec les animaux. Et l'idée, c'est que de toute façon, nous partageons la terre, l'oïkos, avec eux. Ils traversent les cieux. Et donc ils sont là, mais nous, jusqu'à présent, nous faisons comme si ils n'avaient pas le droit d'exister, sauf quand ils nous plaisent, et comme si les règles de la cohabitation, de la coexistence, sont déterminées seulement à notre bénéfice. Donc c'est vraiment, et c'est une théorie globale qui est un principe, mais après il s'agit de la négocier avec les différents acteurs, et c'est beaucoup plus souple et avec du cas par cas qu'on ne peut l'imaginer. S'agissant du texte de Schopenhauer, vous avez l'idée là, on va retourner à l'idée de mon chat quand je le, quand il se balade et qui peut tuer des petits animaux. Bon, on ne peut pas empêcher la prédation. Et puis, par exemple, on a le devoir de nourrir son chien, son chat, parce qu'on l'a domestiqué, il est dépendant de soi, mais on n'a pas le devoir de fournir une gazelle à un lion dans la jungle. Il y a l'idée, je ne suis pas pour la règle du « laissons-les vivre, n'intervenons pas » dans la mesure où les animaux sauvages subissent souvent l'impact de nos activités économiques, on détruit leur habitat et ils subissent aussi l'impact de nos activités économiques en raison de la pollution. Donc il y a peut-être aussi un travail de réparation. Mais on ne peut pas interférer comme ça, ils ont droit de vivre selon leurs normes propres et le lion est un prédateur. Et alors là, le chien sauvage, le tigre, bon, je pense que ce que Schopenhauer décrit, c'est le spectacle de la vie. Et la vie, c'est évidemment aussi la mort, la prédation. Et les gens qui portent la cause animale ne remettent pas en cause cela. Il n'y a pas l'idée aussi d'une sacralisation de la vie, de la bactérie à l'éléphant. Je crois que c'est tout à fait autre chose. Mais là, pourquoi, moi, je parle et au nom de quoi nous devrions faire, nous les humains, beaucoup mieux que les non-humains? Mais nous faisons tellement plus mal. Je veux dire, moi je ne vois pas le lion qui va tuer une gazelle ou un autre animal, souvent avec beaucoup d'efforts, eh bien nous avons une production industrielle et nous produisons indéfiniment des animaux pour les nourrir, mais en plus nous leur imposons une vie misérable. Enfin, je ne vais pas mettre devant vos yeux ces choses terribles que sont la castration à vif des porcs pour que... Il y a des vidéos qui circulent. Voilà, il y a suffisamment de vidéos qui circulent. Voilà, c'est constant. Et est-ce qu'on veut vivre? Moi, je ne peux pas vivre dans un monde où on fait ça aux animaux. La morale peut pas, on peut pas, vous voyez. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de ce moment où vraiment cette question qui était déjà là et dans mon travail et dans ma vie, puisque j'étais déjà végétarienne, est devenue m'a kidnappée. M'a vraiment a fait s'effondrer à peu près tout. Moi, j'étais croyante pratiquante jusqu'à 35 ans. J'ai pas dit que j'étais athée. Même si, quand on est philosophe, c'est toujours compliqué. Hein. On a toujours des hérésies, surtout moi qui étais strossienne, et qui ai en plus beaucoup d'admiration pour le judaïsme, pas plus que pour le christianisme, qui est celui du monde dans lequel je suis née. Mais bon, j'avais quelques hérésies qui viennent du socinianisme, hein, bon, Strauss en parle, etc. Eh bien, si vous voulez, je n'ai jamais pu entendre aller à la messe, etc. En fait, tout me semblait, je me dis, comment se fait-il que le monde parle de charité, d'amour du prochain, quand cet amour du prochain est si chauvin et qu'on accepte de faire subir à des animaux qui n'ont rien fait de mal. Il y a quand même eu Saint-François d'Assise. Ah bah, Saint-François d'Assise, d'ailleurs. Quand même, les choses ont changé. Qu'il est là. Oui, mais les choses ont changé parce que le pape François, qui se réclame de François d'Assise, voyez comme son encyclique a quand même fait bouger les choses, pas suffisamment, mais en tout cas, elle enregistre l'intérêt la question que la nature est aussi le lieu d'expression du rapport à Dieu ou du rapport à autrui. Alors, il ne parle pas des animaux individuellement, bien qu'il y ait quelques petites choses, mais voyez, puisque quand on se réclame de saint François d'Assise, bon, chaque créature chante l'hymne de sa vie. Mais voyez, indépendamment de cela, voyez cette idée, cette espèce de contraste qu'on voit entre la sollicitude, l'appel à la sollicitude, à la responsabilité, voire à la charité, à la justice, et ce silence assourdissant à l'égard d'êtres qui finalement sont différents de nous, mais partagent avec nous la capacité à souffrir, mais aussi la sentience, qui n'est pas seulement la capacité à souffrir de manière et à éprouver la douleur, la souffrance, donc avec un contenu psychique de manière individuelle, mais qui est aussi le fait d'exprimer ses préférences liées à sa biographie et de pouvoir, d'être capable aussi de les communiquer et de communiquer aussi sa résistance à ces conditions de détention. Rappelons-nous justement, pour reparler de la captivité, cette éléphante Tyke, je crois, qui avait brisé par ce qu'on lui imposait dans un cirque, eh bien, avait tué ou blessé son dresseur et s'était enfui et a été abattu de plusieurs balles comme ça dans la rue devant les gens qui circulaient. Et je dirais que les animaux, voilà, on leur impose des conditions de vie et je crois vraiment que même sans être comme moi et sans être végane, beaucoup de gens aujourd'hui se disent, nous vivons dans un monde où ce qu'on fait aux animaux, c'est absolument plus possible. Et ça en dit long sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons laissé faire. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une rupture entre l'élevage traditionnel et l'élevage intensif, même si l'élevage traditionnel n'était pas la panacée. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'est passé, et il y a quelque chose dans la manière dont on va tuer des vaches gravides. Il y a quelque chose, une transgression. Moi qui suis née en Charente et pas loin de la Dordogne, j'ai vu des canards gavés à la main quand j'étais petite. C'était déjà pas terrible, mais le gavage d'aujourd'hui tel qu'il existe pour faire du foie gras, qui est un foie malade, qui fait 10 fois un foie normal, eh bien, c'est quand même absolument abominable. La plupart des animaux meurent avant d'être tués parce qu'ils supportent plus, sont pris de allaitement, de diarrhée. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on fait, c'est proprement injuste. Sur le constat, je pense qu'il y a un accord, mais en même temps, il y a une difficulté pratique que vous évoquez d'ailleurs dans le manifeste, c'est que pour que les animaux aient des droits, il faut que ce soit des humains qui formulent ces droits. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Ah bah ça, c'est la grande question. Et vous évoquez l'exemple qui vous sert d'ailleurs un peu de référence, de Lincoln. Oui. Alors qu'est-ce que vous proposez? Sera d'ailleurs le dernier point abordé dans cette émission, parce que le temps passe. Oui, alors, mais ça c'est sûr, pour politiser la cause animale, eh bien les intérêts des animaux doivent être défendus, portés par des humains, devant d'autres humains qui ne sont pas tous d'accord avec moi, et dont certains vivent de l'exploitation animale. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des accords sur fond de désaccord, ce qu'est la définition de la politique. La capacité à négocier et à entendre les autres, non pas pour faire un consensus mou. Les gens souvent pensent que le consensus, ça veut dire trouver le plus petit dénominateur commun et finalement maintenir les statu quo. Non, au contraire, et ceux qui me lisent verront que je ne suis pas dans le statu quo ou le consensus mou. Un consensus, c'est difficile, ça se construit. Il faut aussi dire précisément pourquoi on peut demander la suppression immédiate de telle ou telle chose et comment. Et s'agissant par exemple de l'élevage, je me suis inspirée de Lincoln, non pas pour dire que les animaux élevés dans les élevages industriels étaient comme les esclaves noirs. Je ne fais pas ce genre d'amalgame, mais parce que Lincoln, que j'adore, eh bien, a eu cette générosité, cette magnanimité qui fait que, magnanimité, on demande plus à soi qu'à autrui et on ne condamne pas l'impureté des autres pour mirer sa pureté, contrairement à certains, il a compris la profondeur des préjugés racistes et il propose en 1862, c'est une déclaration au Congrès que je mets en exergue à ce livre, il propose aux esclavagistes du Sud, qui sont d'accord pour renoncer à l'esclavage, eh bien, des délais et des compensations financières les aidant. Et alors, malheureusement, ça n'a pas été retenu. Et on était déjà en pleine guerre de sécession, puis ce sera pas retenu. Mais je trouve qu'il y a chez lui qui avait compris que l'abolition de l'esclavage était aussi une cause d'humanité et que c'était allé dans le sens de l'histoire, ce que je pense moi par rapport aux animaux. Eh bien, il s'agissait de faire avancer la cause avec les acteurs et sans les désigner comme des bourreaux ou comme les désignant hors humanité. Donc il y a quelque chose chez le grand Lincoln qui était à la fois modéré et radical, plus que les abolitionnistes de la première heure. Et c'est vraiment... et moi, je crois que c'est cette générosité-là. Il n'y aura pas d'avancée de la cause animale sans générosité, sans pragmatisme et sans une stratégie. Et je détaille les trois niveaux du combat politique. L'un, normatif, que pourquoi ça entre dans les finalités du politique. L'autre, comment faire. Et puis ensuite, comment accompagner les personnes pour qu'elles puissent changer leur style de vie et aient du plaisir à le faire. Merci Corinne Peluchon d'être venue défendre votre, avec verve et conviction, ça s'entend, votre manifeste animaliste et la main tremblante que je mangerai mon éventuelle prochaine entrecôte. Je ne sais pas s'il y en aura une d'ailleurs. Je vous remercie. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac. Suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.